Chapitre 40. L'exilé Ragdal. Comme tous les bourreaux d'argent, pressés de vivre et de jouir, Roger de Charmeuse était un beau gâcheur d'affaires. La réalisation de son actif, meubles et immeubles, fut menée rondement et à la diable, avec le consentement et bientôt la signature de la comtesse Adrienne. Le gentilhomme eut tout de suite de quoi désintéresser Crémer, avec qui il dédaigna de traiter en ami. Malgré ses belles relations avec Ragdal, il paya la rançon fixée par le maître chanteur et l'édition de l'Incorruptible fut mise au pilon. Restait à faire sortir de Mazas l'étrange tuteur de Rose-Aimée, le tendre ami de Fifine Chopin, de Julie la Peste et de la Môme Caca, l'ex-protecteur de Gueule d'Empeigne et de la Poilue, le directeur politique, littéraire et artistique de la Pilule Dorée, l'universel et légendaire Ragdal. La chose réussit d'emblée et à miracle. Le médecin en chef de Mazas avait été le condisciple d'un vieil ami de Roger de Charmeuse chez les dominicains d'Arcueil. La recommandation porta, et maître Ragdal fut envoyé en surveillance à l'hôpital Saint-Antoine. Le plus difficile était fait pour le comte, qui alla visiter son protégé à l'hospice. Ragdal était un comédien hors ligne. Il avait positivement l'air de vouloir rendre sa belle âme à son divin créateur. Roger de Charmeuse en fut presque dupe. Est-ce que, par bonheur, cela serait devenu sérieux ? Se demandait-il, à le voir, étendu sur le dos, dans son lit, geignant et tournant des yeux blancs. S'il pouvait partir pour le grand et dernier voyage sans prescription ni retour, quelle superbe chance! Mais Ragdal le rassura d'un mot. « Ça y est, le reste n'est rien !» Et il lui développa son plan d'évasion. Le jour, il ne fallait rien tenter, car le personnel savait qu'il était consigné à la disposition de la justice. Mais la nuit, ajouta-t-il, c'était franc comme l'or. La surveillance était peu rigoureuse, à telle preuve que les malades faisaient un pétard de tous les diables pour avoir Thomas, et cela vainement pendant une heure. Les infirmiers dormaient comme des loirs. Il y avait bien des rondes, mais c'était une sécurité de plus. Après la seconde, vers 1 heure du matin, il ferait celui qui va au cabinet. Dans la demi-obscurité, on ne remarquerait pas. Il sortirait de la salle, dégringolerait l'escalier, gagnerait le jardin, escaladerait le mur garni de treillages et comme fait exprès. Il serait alors dans la rue, mais avec le costume de la maison, la grande capote avec son numéro matricule dans le dos, mauvaise affaire. Le fiacre, aposté au bon endroit, était de rigueur. Il s'enfilerait dedans et fouette cocher. En route, il changerait d'habit. « Je compte absolument sur vous pour ces petits détails, » dit Ragdal au comte, peu charmé de la préférence. « Et quand, pensez-vous, malheureusement, on a encore l'œil sur moi, remettons la chose à huitaine, le dimanche soir. D'ici là, j'aurai endormi leur vigilance. Oui, le dimanche, c'est le meilleur jour, à cause des permissions. » Et il l'entretint longuement des moindres détails de son audacieuse entreprise. Le comte accepta cette définitive complicité. « Après, se disait-il, j'en serai quitte. Bon voyage, Ragdal !» Les affaires de Roger de Charmeuse allaient bien, pour l'heure présente. Suzanne souriait à sa nouvelle fortune, un feu de paille. Adrienne était rentrée comme elle l'avait dit chez son père, qui l'aimait à sa façon et l'avait bien reçue. Plus d'hôtel, de domestique, plus de soucis. Il était redevenu garçon et savourait sa liberté reconquise. Restait Ragdal à expédier. Le jour fixé, ou plutôt la nuit, il prit un fiacre à galerie dont le cocher somnolait comme par vocation et pour toujours. Avec ce gaillard-là, point de question indiscrète à redouter. Il ne verrait, n'entendrait et n'entraverait que dalle. La voiture stationnait dès minuit au bon endroit. Le noble comte de Charmeuse faisait le guet à l'intérieur, tout était prêt. 1 heure, 2 heures s'écoulèrent, rien. Les rues étaient désertes et le ronflement du cocher troublait seul le silence. Enfin, Un bruit de pas étouffés attira l'attention du comte. Il mit la tête à la portière et aperçut la silhouette de Ragdal encapuchonné. Vite, il ouvrit la porte et l'autre se jeta dans le véhicule. « Passage Stevens !» cria le fugitif au cocher endormi. Un long grognement fut la seule réponse. Roger empoigna le collignon et le secoua d'importance, avec la terreur d'être pris avec l'évadé Ragdal. « Hein ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? C'est-y à l'heure ou à la course ? On vous dit d'aller passage Stevens !»« Ah oui, au fait, c'est vous, notre bourgeois ! Alors, vous dites comme ça ?» « Passage Stevens, dépêchez-vous donc, sapristi !»« On y va, on y va !»« Et où que c'est que vous placez ça ?»« Dans la rue des Martyrs, chameau !» gueula Ragdal en train de changer de pelure dans le fond du sapin. « Pas poli, le monsieur !» conclut le cocher roupilleur avec un beau dédain. Et tout de même, il se mit en route. Ragdal était sauvé. Le comte respira enfin. Mais tout à coup, il s'écria « Vous n'allez pas chez vous, au moins ?»« Pardon, cher ami ? Mais vous allez vous faire reprendre ?»« Erreur, j'ai mon concierge dans ma poche, sous la forme d'une clé. »« Ni vu, ni connu, je t'embrouille. Oh, le temps seulement de faire ma valise !» Monsieur de Charmeuse comprit. Tout ce que possédait le misérable était là, papier, documents et argent. Moins ce qu'il avait si royalement perdu au cercle. Le lendemain, à la première heure, Ragdal était à Saint-Denis, attendant avec son associé le train de Calais. Le comte avait voulu l'accompagner jusqu'au bout, pris maintenant d'une fièvre d'impatience. Il ne serait tranquille décidément que lorsque le bateau aurait levé l'ancre, emportant son complice outre-Manche. Ce qui arriva. Roger, le noble descendant des croisés, eut enfin le bonheur de serrer pour la dernière fois la main de Ragdal partant pour l'exil. Il lui sembla que les cauchemars du passé s'en allaient avec la fumée du steamer. Qui emmenait, au loin, le cher proscrit ?